Chapitre 6e. Double méprise. Cet après-midi, au moment où, vers 3 heures, je tire la sonnette de Madame de Seigneul, Désirée, la femme de chambre, m'annonçait que la comtesse était sortie avec son fils, qu'elle ne rentrera que tard, et qu'elle me donnait congé pour aujourd'hui. Je m'en suis donc revenu par le Luxembourg. Me demanda quoi j'emploierais ces heures de vacances sur lesquelles je ne comptais pas. La chaleur était suffocante. Un flamboyant soleil d'août grillait les feuilles roussies des marronniers et faisait miroiter les ardoises des toits. Le sol brûlait les pieds, il n'y avait presque pas d'ombre. J'ai pris le parti de rentrer chez moi, savourant d'avance le plaisir que j'aurais à me mettre au frais dans ma robe de chambre, à boire un grand verre de sirop de framboise et, étendu sur une chaise longue, à lire un roman anglais qui m'intéresse fort. Naniche est allée laver au bateau, me dis-je en introduisant ma clé dans ma serrure. Je serai seul et je pourrai dévorer Nancy tout à mon aise. L'appartement est en effet tranquille et doucement assombri. Seul mon chat, le fidèle Mititi, dort couché en rond sur un fauteuil. Les fenêtres sont ouvertes, mais les jalousies sont baissées, et l'ombre des jalongées des peupliers du jardin des Carmes y envoie une demi-obscurité accompagnée d'un frémissement de feuilles tout à fait rafraîchissant. Je me décoiffe, et tout en ébouriffant légèrement mes cheveux, je prête l'oreille. Il me semble qu'on cause sur le balcon. Oui, il y a un murmure de voix qui se mêle discrètement aux frissons de la feuillée. L'une des voix est celle de Madame Sabine l'obligeois, l'autre a des notes graves et masculines. Ce n'est pas l'organe flûté de Monsieur l'obligeois. À cette heure, le pauvre homme est enfoui dans ses paperasses à la direction des cultes. Ce n'est pas non plus le timbre discret et assourdi de la voix de l'abbé. Je m'avance curieusement sur la pointe des pieds et je regarde entre les lames des jalousies. À côté des gradins garnis de peaux de laurier rose, Madame l'obligeois a installé une sorte de tente de coutil, sous laquelle elle vient lire ou travailler à l'ombre. L'un des rideaux de toile est soulevé. Entre les tiges grêles des lauriers roses, j'aperçois le dos plat de la dame assise dans un fauteuil d'osier et en face, dans la pénombre, une tête brune, dont les yeux luisants et les cheveux en brosse me sont bien connus. La pieuse Sabine est en train de catéchiser Pascal Naud. Comme il fait très chaud, Madame l'obligeois est vêtue d'une robe de grenadine, dont le corsage de dessous est échancré plus qu'il ne conviendrait à une dévote. La trame légère de l'étoffe laisse ainsi traîtreusement transparaître la peau blanche et moite des épaules et de la gorge. Il me semble même que les yeux de Pascal Naud se tournent plus que de raison vers ce corsage trop peu voilé. Comment le clerc se trouve-t-il rue Cassette à une heure où il sait que je suis absente? Que signifie cette visite qui n'est certainement pas pour moi et que peuvent-ils bien se dire tous deux? Je m'agenouille avec précaution sur une chauffeuse placée près de la jalousie. Les deux mains appuyées au dossier, je tends le cou et je prête l'oreille. C'est très mal d'écouter aux portes ou aux fenêtres, mais ma foi, tant pis. Je suis curieuse de tirer au clair ce qui se passe entre ma voisine et le rustique musicien de Grancey-le-Château. Il y a longtemps que j'ai remarqué le manège équivoque de Madame Sabine l'obligeois. Elle tourne autour de Pascal Naud comme le tentateur dont parle l'Église, cherchant une proie à dévorer. Je veux savoir quel point elle en est, et si le gibier fait du moins une belle défense. Je ne suis pas jalouse de Madame Sabine, non, Dieu merci, mais enfin, je trouve cela indécent. Et ce sauvage de Pascal qui se laisse prendre au roucoulement et aux œillades de cette chatte mite, est-ce assez ridicule? Cela ne me regarde pas, certainement, et je ne me mêle pas de ses affaires. N'importe, c'est quasi sur mon balcon que la chose se passe, et s'il est féru d'amour pour cette grande brune osseuse, il pourra lui donner des rendez-vous ailleurs que chez moi. Au fond, je dois bien avouer que je suis un peu dépité, et que je me dis tout cela pour trouver une excuse à l'espionnage auquel je suis en train de me livrer. J'écoute avec la plus grande attention, mordant mes lèvres et n'osant presque respirer. Tout d'abord, je ne saisis pas grand-chose. La dame est prudente et parle à demi-voix comme au confessionnal. Il ne m'arrive que des mots décousus et à moitié étouffés. Seulement je vois en plein la figure de Pascal, et rien qu'à l'expression des traits, je soupçonne ce naïf étourneau de s'être déjà laissé prendre au traquenard que lui tend ma peu scrupuleuse voisine. Insensiblement, j'arrive à entendre la plus grande partie des phrases des deux interlocuteurs. Je domine le reste, et voici en substance leur conversation. Ainsi, monsieur, soupire madame Sabine, non seulement vous n'êtes pas pieux, mais vous êtes sceptique. Sceptique, répond Pascal en hochant la tête et en se balançant sur son pliant. C'est un bien grand mot. Mettons que je suis indifférent. C'est presque la même chose. Le doute dessèche le cœur, l'indifférence le glace. Comment un artiste, un homme d'imagination, peut-il rester froid en présence des magnificences du culte? N'avez-vous jamais été ému par le saint sacrifice de la messe? Si fait, murmure Pascal, j'aime beaucoup une belle messe en musique. J'aime aussi un bel opéra. Madame Sabine l'obligeoise secoue les épaules. Vous n'appréciez les choses que pour les satisfactions des sens, mais il y a aussi à considérer les satisfactions du cœur. Oh, le cœur! Soupire à son tour Leclerc, en se souvenant sans doute de ses convoiteuses promenades du Luxembourg à la suite des couples amoureux. Oui, le cœur. Oh, ma voisine, et la mine troublée de Pascal, j'imagine qu'en même temps elle lui décoche une langoureuse œillade. Le cœur, y croyez-vous au moins encore un peu? Si j'y crois, s'écrie Pascal, nous, en rougissant. Certes, oui, j'y crois, parce que je sens le mien qui, dans certaines rencontres, bat plus que je ne voudrais. Ici, un silence. Je parierais que la dévote Sabine a jugé à propos de baisser pudiquement les yeux. Là-bas, dans les peupliers, des ramiers roucoulent d'une voix profonde, et un souffle d'air apporte jusqu'à notre balcon des odeurs pénétrantes de chèvrefeuille et de jasmin. J'ignore si c'est à cette influence qu'est due l'animation de madame l'obligeois, mais au mouvement de ses épaules, je crois deviner une respiration plus fréquente et presque tumultueuse. Elle porte une de ses mains à sa poitrine, comme pour en arrêter les mouvements, ou peut-être pour donner de l'air à son corsage, car il fait grand chaud. Puis elle se décide à reprendre l'entretien. « Vraiment, repart-elle, je doute que vous soyez capable d'éprouver un amour sérieux. » Car, ajoute-t-elle, sentimentalement, « Comme l'a dit un grand poète, aimez à la moitié de croire et vous n'avez pas la foi. » Je ne vois pas sa figure, mais je suis certaine qu'elle lève au ciel ses yeux, de façon à ne plus en montrer que le blanc. Je connais par le menu toutes les minauderies de cette femme, et d'ailleurs, je vois le reflet sur la physionomie émoustillée de ce grand nigaud de Pascal. « Comment, madame? Pour être amoureux, il faut être croyant et dévot. » Je m'étais laissé dire que l'Église condamnait l'amour. L'amour profane et grossier, oui, certes, mais l'amour des âmes, l'union pure et spirituelle de deux cœurs. Ah, roucoule la dame en frappant sa poitrine. Si j'en crois ma conscience, le ciel le permet, ce sentiment, ou du moins l'excuse. À force de parler d'amour, on devient amoureux, a dit Pascal. Pas la tête de loup qui est là en face, sur le pliant, mais l'autre, le Pascal des pensées. Le passage du chapitre des passions me revient en mémoire lorsque j'examine le visage du second clerc de Maître Plumerel. Il est évident qu'il commence à glisser sur la pente dangereuse où cette pieuse sirène l'a cauteleusement entraîné. Un soupçon de rougeur monte à ses joues hâlées. Ses yeux brillants et ses lèvres demi-souriantes ont cette vague langueur, cette expression béate et flottante qu'on remarque sur les visages des gens qu'un dîner fin a plongé dans une douce griserie. Son regard est comme noyé, sa voix des notes plus hautes et plus assurées que tout à l'heure. « Ce que vous dites là, madame, reprend-il, me donnerait presque l'envie de me convertir. Et pourquoi non ? » réplique Sabine en prenant un air inspiré. « Pourquoi ne retrouveriez-vous pas la foi de votre enfance ? Je suis sûr que vous avez été élevé dans des principes religieux, par une mère pieuse. Pour vous ramener dans la bonne voie, il ne vous manque qu'une affection qui vous tiendrait lieu de celle d'une mère tendre et dévouée. » Une affection tendre, murmure Pascal en dodelinant de la tête. Oui, ce serait le trèfle à quatre feuilles, mais je ne l'ai pas trouvé, et il n'y a pas apparence que je la trouve de si tôt. Qu'en savez-vous ? Et la tête de la dame se rapproche. Dans tout Paris. Il n'est pas une âme qui s'intéresse à moi. Si l'incrédulité ne vous aveuglait pas, en regardant autour de vous, vous verriez qu'il y en a au moins une. Je serais curieux de la connaître, s'écrie-t-il avec un sourire sceptique. Vous la connaissez, répond Sabine en baissant le ton. C'est une femme, demande-t-il avec un accent hésitant. Naturellement. Jeune, jeune. Et je la connais, se murmure-t-il à lui-même, en ayant l'heure de savourer les paroles qu'il vient d'entendre. « Est-ce que je lui ai déjà parlé ?»« Mais oui, souvent. » Pascal devient pourpre. Il y a un moment de silence, interrompu seulement par le pépiment des moineaux du jardin. Un gros soupir s'échappe de la poitrine de Madame Lobligeois. Et, reprend-il avec un étonnement béat, cette dame s'intéresse à moi? Beaucoup. Elle a pour vous une sympathie de cœur et d'âme. Elle-même, s'exclame-t-il, et sa physionomie s'illumine. Elle vous aime, oh, comme une sœur, d'une affection chaste, qui ne saurait la faire manquer à ses devoirs, d'une affection aussi tendre que pure. Et, balbutie le clerc enchanté, et elle vous a autorisé à me le répéter? Sabine Lobligeois relève la tête avec un geste impatient. Elle semble trouver que Pascal manque un peu trop de perspicacité. « Puisque je vous l'affirme, répond-elle, c'est que cela existe. D'ailleurs, ajoute-t-elle en soupirant, ses yeux ont déjà dû vous le dire. Quelle enjôleuse! Pascal perd de plus en plus la tête, il n'est pas habitué à de pareilles conversations. Il boit chaque parole comme une liqueur parfumée et il s'en grise. Ses yeux, répète-t-il avec une sorte de voluptueuse satisfaction, vous croyez? Je ne m'en suis pourtant pas aperçu. C'est que vous ne les avez pas bien regardés. Et lui montre les siens à plein. Je suis sûr qu'elle lui darde ses plus phosphorescentes œillades. Le clerc s'est rapproché d'elle. Maintenant, leurs deux têtes se touchent presque. C'est scandaleux. Et d'une voix charmée, Pascal murmure. Aussi fait. Je les ai regardées. Mais je suis comme saint Thomas. Je doute encore et, je vous en prie, achevez votre confidence. Dites-moi son nom. Vous en demandez trop, balbutie-t-elle en posant sa main sur le bras du musicien. Et avec un accent câlin, elle reprend « Devinez !» Il n'est que temps, et si je n'y mets ordre, Dieu sait ce qui va se passer. Je saisis nerveusement le cordon qui fait mouvoir la jalousie. Brrr, brrr. Les lames s'enroulent et s'élèvent avec fracas, et dans l'encadrement de la croisée béante, j'apparais brusquement comme un personnage de féerie. C'est un vrai coup de théâtre. Pascal bondit sur ses pieds et renverse deux ou trois pots de fleurs. Sabine Lobligeois pousse un petit cri, se lève effarée, se retourne et m'aperçoit. « Madame, dis-je avec un grand calme, je crois que Monsieur Lobligeois vient de rentrer. » Elle pâlit un peu, se mord les lèvres, me transperce d'un regard aigu et passant rudement devant Pascal Nau sans le regarder, elle regagne prudemment le domicile conjugal. Pascal a une figure à peindre, il semble pétrifié comme la statue de la femme de Lot. Ses bras pendent le long de son corps, sa bouche reste entr'ouverte, et ses cheveux en brosse semblent hérissés d'étonnement. Honteux et confus, il baisse les yeux et ose à peine me regarder à la dérobée. D'un geste de la main très impératif, je l'invite à rentrer dans mon appartement. Il obéit lentement, heurte en passant sa tête aux malencontreuses jalousies, puis, une fois au milieu de la chambre, il reste sans parole dans une attitude si penaude que j'ai peine à réprimer un sourire. « Je suis désolé de vous avoir interrompu, lui dis-je de ma voix sévère. J'ignorais que vous eussiez l'habitude de visiter Madame Lobligeois. Ce n'était pas chez elle que je venais, mais chez vous, répond-il en baissant le nez. Dans ce cas, vous aviez singulièrement choisi le moment. Vous saviez parfaitement que je suis absent de 4 à 7. Je le sais, madame, mais j'avais des copies pressées à vous apporter et j'ai profité d'une course au palais pour venir jusque chez vous. Je comptais y être avant 4 heures. Mais comme je n'ai pas de montre, je me suis trompé, et quand j'ai carillonné à votre porte, personne ne m'a répondu. Alors, Madame Lobligeois est sortie de son appartement et m'a prié d'entrer chez elle en attendant. En attendant quoi? Vous deviez supposer que je ne rentrerai pas avant 7 heures. Pourquoi n'avez-vous pas remis vos paperasses à cette dame et ne vous en êtes-vous pas allé tout simplement à votre étude? C'est ce que je comptais faire, mais Madame Lobligeois a insisté d'une façon si aimable. « Oui, oui, elle est très aimable, elle pousse même l'amabilité fort loin, pour une dévote. » Et tandis que je parle, mes doigts tambourinent nerveusement sur le marbre de la cheminée. « Donc vous êtes entré pour ne pas la désobliger ?»« Oui, d'abord, et puis, » continue-t-il en souriant timidement, « j'avais encore un autre motif. »« Ah, peut-on le connaître ?»« Voici. On me reproche toujours de ne pas avoir l'usage du monde, et c'est la vérité. » Quand je suis dans la société d'une femme, je perds tout mon aplomb, et je deviens d'une gaucherie sans nom. Alors, comme Madame Lobligeois n'est pas de ces personnes imposantes qui vous intimident rien qu'en vous regardant, je n'étais pas fâché de causer avec elle, afin de m'exercer aux belles manières. Vous voulez devenir un homme du monde? Et je le toise des pieds à la tête d'un air ironique. Eh bien, vous avez encore fort à faire, mon pauvre garçon. Je le sais, reprend-il humblement, mais il y a un commencement à tout, et je me trouvais plus à mon aise pour commencer avec Madame Lobligeois. « Oui, dis-je ironiquement, vous faisiez votre apprentissage avec cette dame, comme les apprentis coiffeurs s'exercent d'abord sur une tête postiche. L'explication est ingénieuse, mais vous savez, ce n'est pas à moi qu'il faut compter ces choses-là. D'après ce que j'ai entendu, vous preniez goût à la leçon et le temps ne vous durait pas trop. » Pascal change de couleur. « Vous étiez là depuis longtemps, » balbutie-t-il anxieusement. « Depuis une grosse demi-heure. Et vous avez entendu notre conversation ?»« Parfaitement, elle était édifiante. » « Ah, vous faisiez honneur à votre initiatrice et vous suiviez docilement les petits chemins par lesquels il lui plaisait de vous conduire. »« Quel chemin ?» s'écrie Pascal en écarquillant les yeux. « Ne prenez pas cet air étonné. » Et j'hausse les épaules. « À votre âge, on n'est plus un ingénu. Et quand une femme vous fait de pareilles déclarations, on sait à quoi s'en tenir. »« Une déclaration ? À moi ? Dame !» Il me semble qu'elle s'expliquait assez clairement quand elle vous parlait de l'affection aussi tendre que pure d'une certaine personne, et de ses yeux qui avaient déjà dû vous le dire souvent. Ce n'était pas de l'ébreuse, là. Je trouve même qu'elle vous mettait les points sur les yeux avec une impudence rare. Comment ? Vous croyez que Madame Lobligeois parlait pour son compte ? S'exclame Pascal avec une stupéfaction comique. Et pour le compte de qui vouliez-vous donc qu'elle parlât ? Mon Dieu ! Murmure l'infortuné Pascal en pétrissant son feutre dans ses doigts. Je ne sais comment vous dire les choses, mais je m'étais complètement abusé sur le sens de ses paroles. Je ne l'aime pas, moi, cette dame Lobligeois. Elle m'est absolument indifférente, je vous le jure. Pourquoi l'écoutiez-vous alors, quand elle vous parlait d'amour pur et de sympathie de cœur ? Voulez-vous savoir la vraie vérité ? Répond-il d'une voix un peu assurée de l'air de quelqu'un qu'on a mis pied au mur. Eh bien, tous ces mots de tendresse m'avaient monté au cerveau. Alors, il m'est poussé dans la tête une lubie, une idée folle. Je me suis imaginé, c'était idiot de ma part, mais enfin, il y a des moments où on perd le sens commun. Je me suis imaginé que cette dame me parlait d'une autre personne, de la seule personne pour laquelle j'ai une affection profonde. En un mot, achève-t-il en s'essuyant le front, je l'écoutais parce que je croyais qu'elle me parlait de vous. De moi ? Comment ? Vous avez cru ? Vous vous êtes fourré dans la tête ? Hélas, oui. Soupire-t-il piteusement. Oh, c'est trop fort. A-t-on jamais vu ? Tenez, laissez-moi. C'est ridicule. Bonsoir. J'ouvre la porte, et sans demander son reste, sans oser me regarder, le malheureux garçon sort la tête basse et en trébuchant.